Tu seras mon mal. Animal. Animal. Mais si tu fuis, si tu fuis, c'est loupé, c'est loupé. J'aurais un autre animal. J'aurais un autre animal. J'aurais un autre animal. J'aurais un autre animal. Animal. Animal. J'aurais un autre animal. Animal. J'aurais un autre animal. Animal. J'aurais un autre animal. Animal. J'aurais un autre animal. J'aurais un autre animal. J'aurais un autre animal. J'aurais un autre animal.